Thank you. Thank you.

Thank you. plus attendre, ne plus se laisser désarçonner, ne plus avoir peur. Proposer, investir, faire des notes. Thank you. Allez, on y va.